Vous avez préparé une longue dissertation, un long texte d'ouverture. Mais malheureusement, je n'ai plus le cœur de vous le lire. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un docteur qui se dit médecin et son assistant qui se dit assistant. Surtout lorsque c'est Dr. Payne et Sinistrose. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon said so. 6 feet under. Thunder.

aussi. Il y a eu un certain problème technique à ce niveau-là. Et on en a eu un pour clore le tout avec un des disques. Cannibal Corpse. D'après moi, l'esprit ici présent n'aimait pas Cannibal Corpse. Ben, j'ai l'impression qu'il nous aime carrément pas du tout. Non, là. C'est je pense qu'on ça, l'a assez fait suer comme cela. Et on s'excuse d'avoir débuté un petit peu en retard, mais c'est contre notre volonté, évidemment. Donc, on vient d'entendre à l'instant la longue pièce de Aborted, soit la pièce End Style, qu'on retrouve sur la dernière parution Global Flatline. C'est une très bonne pièce qui, je dirais, allie certains moments plus progressifs et très, très éclatés. Moi, j'aime beaucoup cet album-là de Aborted. Je sais pas comment tu le trouves, toi. Moi, je connais pas ça. Formation belge, qui donne dans un death metal irlandais. Donc... Avec des petites flûtes celtiques de la Suisse. Oui, non, c'est un death metal, je dirais, à tendance souvent expérimentale et progressive. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Auparavant, nous avions la formation Krita et la pièce Blackpool que l'on retrouve sur Second Sight, qui paraît en 2012 sur Instance Classic. C'est toi qui m'as fait découvrir cette formation-là. Oui, le méchant découvert de 2012. C'est excellent. C'est vraiment bon. Vieux classique, Napalm Death, la pièce Armageddon. Non... Parce que je dis, Twist the Knife Slowly, qu'on retrouve sur l'album Fear, Emptiness and Despair, qui est paru en 94 sur E-Rake, et pièce qui avait été aussi excessivement popularisée à l'époque de la sortie du film Mortal Kombat. Cannibal Corpse avec un, deux, trois, quatre mélanges de tunes, là, mais originalement, ce que vous avez réussi à entendre en entier, c'est Desensitified, qu'on retrouve sur The Wretched Spawn, qui est paru en 2004 sur Metal Blade, Bolt Thrower et la pièce Inside the Wire, tirée de l'album Honor, Valor, Pride, un très bon album de 2001. Paru également sur Metal Blade. Et nous avions ouvert avec ce qui est jusqu'à présent encore la dernière apparition de Six Feet Under, parce que je pense que c'est le 19 que sort le... 19 mars. 19 mars sort album. Le nouvel album de Six Feet Under. Donc, celui-ci était... la pièce était Frozen at the Moment of Death, tirée de l'album Torture, qui est paru en 2012, également sur Metal Blade. Ceci étant dit... j'avais un certain nombre de chroniques pour vous au niveau cinéma et nouveautés ou sorties musicales, mais je ne peux pas avoir accès parce que, comme je l'expliquais un peu plus tôt, il y a quelques minutes, le site de réanimation n'est pas à jour et ce, contre ma volonté. Je pourrais vous faire une chronique cinéma, par contre, que j'ai très, très frais en mémoire du dernier truc que j'ai écouté le week-end dernier, qui est un excellent film. Je vous en parlerai un peu plus tard en cours d'émission, mais pour le reste, ben... Allez tous vous faire foutre. Ben voilà, donc à la semaine prochaine. ceci étant dit, Sinistros nous présente deux trucs, en fait, j'en connais un des deux, qui sont des fraîchement nouveautés. Ah, très, très, plus frais que ça. C'est encore chaud. Tu te mets le pied dedans et c'est... Ouh. Mais la première que tu nous proposes ce soir, et je suis très curieux de l'entendre... Ben, c'est le nouveau Dark Throne qui s'appelle The Underground Resistance. Tout le monde est au courant, ou presque pas au courant, ou pas du tout, énormément, que Dark Throne... Choisissez. Oui. Dark Throne a eu plusieurs facettes au courant de sa carrière. Commencé avec un genre de death metal old school, pour devenir, avec le premier album, totalement black metal, grim. Ils ont fait plusieurs albums comme ça. Et à un moment donné, ils ont fait un tournant plus thrash metal, ouais, disco. Thrash metal mixé avec du punk, avec l'album The Cult Is Alive en 2007. Ils ont pris un gros virage... d'album. Moi, je connais le Dark Throne depuis The Cult Is Alive. Ce qu'ils ont fait auparavant, j'avais entendu, moi, personnellement, ça m'inspire pas du tout. Je présume que moi non plus. Ça sonne pas très bien. Ça sonne la canne rasoir, là. Ouais, ben, un peu. Il y a beaucoup de true grim black metalers qui aiment pas le Dark Throne d'aujourd'hui. Ah, ben, ça m'étonne pas. Ben, moi, t'avoue, ben, franchement, le Dark Throne d'aujourd'hui, moi, depuis The Cult Is Alive, ils ont toujours évolué, mais en reculant. C'est pas un pléonasme, ça? Ben, c'est ça. C'est parce que l'histoire est, c'est que la révolution musicale s'est faite en allant vers le passé, en allant puiser dans les racines du heavy metal des années 80 et tout. Moi, je me dis que pour évoluer dans un sens, faut que tu connaisses ton passé. Faut que tu connaisses ton passé. Ton passé garante ton futur. Ben, c'est ça. Fait qu'eux autres, c'est ça qu'ils font. Fait que le nouvel album, The Underground Resistance, ben, c'est un album hommage carrément aux années 80. On a des sonorités Merciful Fate, on a des sonorités de Hellhammer, Celtic Frost là-dedans. Il y a du heavy metal. Mais depuis, là. Depuis l'album que tu parlais de Cult is Alive. De Cult is Alive, c'est plus des peintures leurrées, ça. Pas du tout. Ils se prennent pas au sérieux, en plus. Okay. C'est deux clowns qui ont bien du fun à faire du métal ensemble. Okay. C'est tout, là. Puis d'album en album, ils ont fait des albums qui sonnaient plus punk, trash, avec un peu de black metal dedans. Ils ont testé un paquet de trucs, mais c'est tout le temps resté comme un son. Très entraînant, puis très 1, 2, 3 go, puis en vrai, on a du fun d'attitude. Okay. Mais celui-là, il a vraiment une sonorité old school, années 80. Il y a même Fenris, le drummer, qui chante, mais clean. Là. C'est vrai? Ah, puis c'est vraiment spécial, tu sais, avec des whacks comme des années 80. Là. Ça vaut la peine. C'est un album qui a 6 pièces, mais il y a des longues pièces. Les deux dernières durent respectivement 8 minutes quelques et 10 minutes quelques. Okay. Fait qu'on va entendre les trois premières pièces de l'album, soit Dead Early, Valkyrie et Lesser Men. Ça sera suivi de Sarki. Sarki, c'est un band, un one-man band de Norvège, mais le chanteur, c'est Nocturno Culto de Dark Throne. Fait que je voulais faire comme un genre de petit. Oh, c'est conceptuel. De petit concept. Hey, c'est surprenant que tu aies réussi à penser à ça tout seul. Ben, ça arrive des fois que ça allume légèrement. Ouais, le problème avec Sinistro, c'est quand ça s'éteint vite. Ça allume beaucoup, mais c'est très, très éphémère. C'est ça, ça fait pip! Alors, allons-y tout de suite. Ben, Dark Throne avec l'album The Underground Resistance. Go! Yeah.

pourri, ça. Si vous voulez le meilleur du rap, c'est sur le Big Max Show, tous les mercredis de 17h à 18h sur CFOOT 89,1. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Comme je le disais, et vous êtes à l'antenne de CFOOT 89.1 FM. Là, je suis allé pas après mon corbeau, n'est-ce pas? Il va finir. Tu sais comment ton corbeau, hein? Dans une belle boîte carrée avec un petit pain, une sauce et une salade de choux. C'est pas de sa faute, il fait pas dans l'itière encore. Il va réussir un jour. Le corbeau n'ira jamais dans une litière. Pourquoi pas? C'est contre nature. Ah. Même toi, tu y vas pas. Ben, ça, je fais ça à côté, moi. Oui, je le sais. Moi, c'est pour t'achaler, c'est pas pareil. Comme je le disais, vous êtes à CFOOT 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, et qui plus est, réanimation des Undead Incorporated Show, en compagnie de Chose et de moi-même. Chose et de machin. Bien entendu, Sarkey, One Man Band, réunissant Sarkey, et Nocturno Culto au vocal avec la pièce Pilgrim of the Occult. C'est tiré de Old Arian en 2011. C'était paru sur Indie Recordings. Eh bien, on a eu un avant-goût Peut-être que vous l'avez déjà. Peut-être. On a eu un goût du nouvel album de Dark Throne avec 3 pièces sur 6. On a entendu Lesser Men, Valkyrie et Dead Early. C'est tiré des Underground Resistance. C'est paru la semaine passée sur Peaceville Records. Voilà. Moi, j'aime bien. C'est un excellent album. Oui, j'aime bien. Effectivement, ça sonne différent. Ben, c'est rafraîchissant tout en étant très vieux en même temps. Oui, absolument. Hey, je suis content. Oui. Ben oui, on est en train de jaser. Oui. Puis je disais, hey, ça serait le fun qu'il fasse une suite à Machete. Ouais. Ben, figurez-vous donc, il va en avoir une. Eh oui, effectivement, si vous n'êtes pas familier avec le film de Robert Rodriguez, c'est soit dit en passant, si vous n'aimez pas les films de Robert Rodriguez, c'est que vous n'aimez pas Quentin Tarantino. Ben, vous connaissez rien. C'était son producteur. Vous connaissez rien. Je pense que c'est pas mal ça. Machete Kills, la suite qui sera sur grand écran le 13 septembre prochain, mettant en vedette Danny Trejo, qui est évidemment l'acteur principal. Ce Machete. Qu'on a vu dans bon nombre de films de Robert Rodriguez et de Quentin Tarantino. Il n'est pas dur à reconnaître, c'est le Mexicain avec la grosse moustache. Non, avec la Mexicaine avec la sombrero tatouée sur la poitrine. Ça mettra aussi en vedette Mel Gibson et laisse-moi te dire qui donc, Jessica Alba, que je ne connais pas, non, c'est pas vrai. C'est qui elle? C'est une actrice. Charlie Sheen! Et Michel Rodriguez sera là. Ah, encore. Va être là, c'est cool. Ça va être cool. Fait que Antonio Banderas, Cuba Gooding Jr. Il va avoir du pain. Il va avoir une belle brochette. Oh, malheur! Et c'est pas des blagues, Lady Gaga. Oh, peut-être qu'ils vont l'achever. J'espère que ça va être la première décapitation qu'il va y avoir. Cool. Il va y avoir beaucoup de choses intéressantes qui vont sortir. Je peux malheureusement pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faire mes chroniques cinéma, mais je peux vous dire un petit. Vous dire ce qui s'en vient pour le moins. Des trucs qui seront, ma foi, fort intéressants et d'autres qui ne seront pas du tout. Mais entre autres, ceux d'entre vous qui aviez aimé le film de Zack Snyder 300, qui en fait est le remake de l'original 300 Spartans, eh bien, il y a une suite, 300 Rise of the Empire. Oh, 299. Oui, c'est ça, le 2 août. Donc, c'est la suite là où ça l'a terminé, semble-t-il. Ça risque d'être fort intéressant. Moi, je suis déjà vendu, là. Je suis toujours vendu pour plein de choses. Le 26 juillet, The Wolverine, c'est la suite, évidemment, avec Hugh Jackman. Ça risque d'être fort intéressant, ça aussi. Je vais aller en ordre décroissante parce que c'est comme ça que je les prends. Il faut que je le cite. Toi, tu les aimes de même. Oui, c'est en ça. En décroissant. Il y a peut-être des amateurs de films d'aventure, comme je le suis, qui pourront voir un... Je dis pas un remake, parce que je pense que j'ai jamais vraiment eu de film officiellement fait sur cette série. Une série culte des années, je dirais, fin 40, début 50. The Lone Rangers, un film qui est de Gore Verbinski. C'est pas un nouveau... Mais j'ai vu des previews de ce film-là, puis ça a l'air flyant, Sacrifice. Ouais, ça va Johnny sûrement. Depp ben oui. Là-dedans, en partant avec Johnny Depp, on peut être quasiment certain que ça va être bon. C'est le 5 juillet à l'affiche. Le World War Z, j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, ça aussi, ça va être excellent. Ouais, un film de. Avec Brad Pitt. Ouais, un film de zombie avec Brad Pitt. Je vais vous dire la date exacte de sortie. C'est le 3 juillet prochain. Je suis désolé, là, faut vraiment que je scroll au fur et à mesure. Zack Snyder va produire le 14, ben, va sortir au grand écran. Il est en train de produire ou il a terminé. Man of Steel. Superman. Oh. Mais c'est Zack Snyder, donc ça risque d'être peu banal. C'est pas le même acteur, il va faire Superman que le dernier, je pense. Absolument pas, et ça met en vedette Russell Crowe. J'espère qu'il ne fait pas Superman. Ben non, évidemment pas. C'est Henry Cavill qui va faire le rôle de Superman. Donc ça risque d'être fort intéressant, parce que moi, j'aime beaucoup ça, ces trucs-là. Là. T'aimes pas ça, les super-héros, toi, voyons. Non, pas du tout. Ben, Superman, ça n'a jamais été vraiment mon super-héros de prédilection, mais. De savoir que c'est Zack Snyder qui l'a fait, ça risque d'être assez peu conformiste, donc probablement très intéressant. Le 17 mai, c'est plus près, ça, c'est Star Trek Into Darkness. Ça va être cool. Ouais, de J.J. Abrams avec Zachary Quinto qui jouait aussi dans Heroes, ouais. Spock. C'est vraiment... Il a joué quelques épisodes de 24, je pense, saison 2 ou saison 3. Je me rappelle plus, ouais. C'est possible, ouais. Il était dans l'équipe de. De Jack Bauer? Qui était taponné sur un ordinateur. OK. C'est son rôle, c'est de taponner sur un ordinateur. Ben, c'est ça. Il faisait une petite étude. Mais le premier Star Trek était vraiment bon. Oui. Ben là, je dis le premier, c'est pas vrai. En tout cas, le premier, cette nouvelle série. Le premier de J.J. Abrams, c'est. Un film qui reste de t'intéresser énormément, c'est People's. Non, c'est pas vrai. Ah, je pensais que c'était Candy. Ça, par contre, le 3 mai, Iron Man 3. Oh, que oui. Toujours avec Robert Downey Jr. L'excellent Robert Downey Jr. Ouais, c'est tout un acteur, effectivement. On l'appelle Monsieur maintenant. Et ainsi de suite, j'en pense, c'est des meilleurs. J'en ferai une meilleure chronique plus approfondie la semaine prochaine. Par contre, là, je vais faire, dans le même ordre d'idée, vous parler d'un film que j'ai vu le week-end dernier, qui est, selon moi, jusqu'à présent, probablement le meilleur film de 2013. Non, c'est pas vrai. En 2012, à la fin 2012, moi je ne l'ai vu que là, en 2013, c'est The Hobbit de Peter Jackson. C'est la préquelle du Seigneur des Anneaux, en fait au niveau littéraire, initialement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Tolkien avait écrit ces histoires-là, autant le Silmarillion, Faerie que Bilbo le Hobbit, pour ses petits-enfants, pour les distraire. C'était donc des contes qui s'adressaient uniquement à sa famille. Mais les contes étaient tellement bien faits que l'entourage lui a dit « Tu devrais publier ça, ça devrait avoir du succès, puis ça devrait intéresser beaucoup de gens. » Et c'était le cas, parce qu'on sait que maintenant, Le Seigneur des Anneaux... C'est culte à côté, mur à mur. Il s'est vendu des milliers, voire des millions d'exemplaires de cette trilogie. Évidemment, Bilbo le Hobbit, c'est ce qui a précédé Le Seigneur des Anneaux. C'est le préambule du personnage Bilbo dans sa première aventure. Parce Mais est-ce qu'originalement, Le Seigneur des Anneaux est sorti avant ou après Le Hobbit? Après. Fait que le premier qui a écrit, c'est Le Hobbit. Non, c'est pas vrai. Le premier, je pense que c'est il a écrit Le Hobbit Il a écrit Le Hobbit en premier. En fait, Le Hobbit s'adressait vraiment à ses petits-enfants parce que c'était un peu plus, je dirais, initialement, ça se présentait plus à des enfants à bas âge. Tranquillement, pas vite, en écrivant, le Hobbit, il s'est dit, ben, je peux pas arrêter ça là, il y a trop d'aventures à faire avec ça. Mais il a commencé à écrire pour un public un peu plus adulte, donc Le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, comme je le disais, c'est vraiment le début de la trilogie de Lord of the Rings, et c'est la première fois qu'on rencontre Bilbo, qui est un Hobbit, et les Hobbits, si connus par les amateurs de ce genre de folklore-là, détestent tout ce qui chambarde leur routine. Les étrangers, ils ne veulent surtout pas que quelque chose soit dérangé dans leur entourage directement et détestent particulièrement le terme « aventure ». Il est contraint un peu volontairement de se joindre à 13 nains et Gandalf, qui est la première fois qu'on voit Gandalf dans un conte de Tolkien, pour aller reconquérir le royaume des nains qui a été pillé et dévasté en partie par Smaug, le terrible cacheur de feu, qui est un dragon d'une puissance extraordinaire. Donc, c'est le début de l'aventure pour partir vers cette quête-là. Et évidemment, ben, on s'entendra qu'à cette époque-là, autant qu'au Seigneur des Anneaux, les forêts sont beaucoup, sont énormément peuplées d'orques, qui sont des créatures assez, pas fines, sanguinaires, des wargs aussi, qui sont les fidèles destriers des orques, qui sont une espèce de mélange de loups et de chiens géants de l'enfer, si on veut. Des trolls, et ainsi de suite. Bon, bref, beaucoup d'affrontements, beaucoup de t'as vu Seigneur des Anneaux? Bien sûr. Le même titre de présentation graphique. Ah oui, c'est extraordinaire. Et moi, ce que je reprochais au Seigneur des Anneaux, c'était Elijah Wood, que je trouve vraiment exécrable dans le rôle de Frodon. Je trouve que c'est un pleurnichard fatigant qui n'arrête pas de pleurer. Là, par contre, pour faire Bilbo, ils ont pris, j'oublie son nom, Martin Freeman. Et il est vraiment très, très bon. Et d'ailleurs, tous ceux qui interprètent les nains sont excellents. C'est bien fait, c'est bien joué, il y a un acting extraordinaire, le scénario est très fidèle au livre et il sera considérablement fidèle au livre, d'autant plus que c'est la première partie de trois qui durait 2h45. Imagine, toi, Edda. On peut s'imaginer facilement qu'il va avoir, j'imagine, un minimum d'un 6 à 7 heures, voire plus, consacré au développement du bouquin. Petite bémol, ce qui fait que j'ai donné un 9.5 sur 10, je lui aurais donné un 10 inconditionnellement, c'est la section où on voit les trolls. J'ai trouvé que Peter Jackson a une grande faiblesse à ce niveau-là parce qu'il y a trois trolls qui sont dans leur espèce de campement. Il y a Jar Jar Binksy, il y a Jar Jar Binksy carrément les trolls. Il leur a donné une espèce d'esprit, je dirais, un peu, entre guillemets, et manqué, cocasse. Leur donner une intelligence supérieure à ce que des trolls, selon la mythologie, ont. Bon, c'est des créatures complètement imbéciles qui ne pensent qu'à s'amplifier constamment, s'amplifier, devrais-je dire. Et on sait que les trolls ne peuvent pas survivre à la lumière du jour parce qu'ils sont pétrifiés automatiquement. Mm. Donc, ça se passe de nuit. Et je trouve que le contexte était bon de mettre les trolls parce qu'il y a des trolls dans Bilbo et Hobbit. Mais de là, les mettre avec un langage qui est comme je te parle là ou à peu près. Puis, de les mettre avec des espèces de blagues poches à la Jar Jar Binks, qui est une grande erreur d'ailleurs au niveau de Star Wars. Ah oui, ça c'est la plus grande gaffe de Star Wars. Je suis convaincu que oui. Ben, c'est aussi la grande gaffe que Peter Jackson a faite dans son... En voulant aller chercher un public plus large et... Ouais, mais tu peux pas aller chercher un public plus large pour une séquence de 10 minutes. Non, c'est ça. Fait que ça valait pas la peine de le faire, c'est une erreur. Mais bref, le film est excellent. Et puis moi, j'ai vraiment hâte de voir la deuxième partie qui est en 2013. J'ai pas de date encore exacte, là. Mais ça risque d'être vraiment, vraiment excellent. Évidemment, il faut être amateur de ce genre de films d'aventure-là, fantasy. Quelqu'un qui trippe uniquement ses films d'horreur ou quelqu'un qui filme juste ses films des comédies. Les films d'action ou les films d'amour, il trouvera pas son compte. Ceci étant dit, continuons musicalement cette fois-ci avec des formations. Ah, regardons ça, toi, c'est du death metal. Ah, non, pas encore. Ah, voilà. Pas de ça. On va entendre une pièce assez mouvementée de Vital Remains. On va entendre du Vader, du Morbid Angel. Mais allons-y immédiatement avec Valen Fire et The Secretion, tiré de Fragile King. Go!

Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. ...20h37... Et vous êtes toujours à l'antenne de C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, mais évidemment à réanimation, en compagnie de Sinistros et de moi-même, l'infâme Dr. Pendragon. À l'instant avant cette pause publicitaire, on a eu droit à un joyeux petit bloc à forte tendance death metal, puisque nous avons entendu Vital Remains et la pièce Hammer Down the Nail, c'est assez évocateur. D'ailleurs, la pochette, elle est assez aussi. Tu l'as-tu déjà vu, cette pochette-là? Non. Mais regarde-la bien. Avec le titre Hammer Down the Nails, tu vas comprendre ce qui se passe. Vous voyez, chers téléspectateurs. Oui, c'est ça. Cette pochette est hautement censurée. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne peut pas vous permettre de vous la montrer. C'est tiré de l'album Icons of Evil qui est paru en 2007 sur Century Media. Vous avez probablement reconnu, évidemment, le vocal de Glenn Benton de Deicide. Non, mais on a vu sa croix à l'envers. Oui, effectivement. D'ailleurs, Glenn Benton ne fait plus partie de Vital Remains. Auparavant, nous avions la formation Vader et la pièce I Am Who Feast Upon Your Soul, que l'on retrouve sur Welcome to the Morbid Reich, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast, Morbid Angel, et la pièce d'ouverture du très bon album Covenant, soit Rapture, qui est paru en 93 sur Earache. Nous avions ouvert avec Valen Fire et la pièce Desecration, tirée de l'album, du très bon album A Fragile King, paru en 2011 sur Century Media. Ceci étant dit, j'aurai un petit micro spécial Meshuggah un peu plus tard dans l'émission qui sera directement dédié à notre ami le Hellborg Tower. Puisque, est-ce que tu avais reçu sa demande spéciale? Oui, mais j'ai pas la pièce. T'as pas cette pièce? Non, c'est, ça date de 1988, Nasty Savage. J'ai pas cet album-là. D'accord. C'est sorti sur un mini-album, puis je l'ai pas. Bon, ben, c'est pas grave, parce qu'il m'en est aussi du Meshuggah, donc... Ben, je t'en ai. Bon, je l'ai un petit peu, oui. Donc, je vais en profiter pour faire la présentation de la pièce inédite du EP Pitch Black, et je vais suivre ça tout à l'heure avec deux autres pièces. Mais pour l'instant, t'as quelque chose d'extraordinaire! Ah! D'extraordinaire à nous présenter ce soir. Eh bien, oui. Vous prenez dans une poêle à frire un peu de fromage feta avec de l'huile d'olive. Évidemment. Vous prenez des olives noires et vous mélangez le tout. Parce que là, je fais un spécial grec, là. Oui, je comprends. Je OK, non, mais je voulais voir si les... Je suis tout oui, mais là... Je voulais voir si les auditeurs comprenaient qu'on faisait un spécial grec. OK. Non, je pense qu'ils n'ont pas compris. Bon, OK, on va rajouter des feuilles de vigne farcies. Oui, là, on devrait commencer à se rapprocher de la vérité. Okay. Peut-être manger le tout, je sais pas moi, à l'ombre d'une des colonnes du Panthéon, quelque chose du genre. Ah, ben, on pourrait appeler Athéna. Aussi. Ah, d'accord. Alors, nouvel album de Rotten Christ. Yeah! Qui s'appelle Kataton Daimona Eitoi. Je sais aucune... Je sais pas comment prononcer ça, mais je parle pas le direct. C'est paru sur Season of Mist il y a quelques minutes à peine. Ouais. Rotten Christ, qui ne cesseront de nous surprendre. Avec un album, oui. Avec des riffs, ma foi, fort simples, mais avec un tout... extraordinaire et majestueux. Ah oui, absolument. Ma chronique était sans mots. J'ai écrit quelques lignes. Ah, puis regarde, je vous laisse le plaisir de l'écouter, c'est tout. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir vous en parler, mais je n'y ai pas accès. Un gros 9 sur 10 pour ma part. Ah, j'ai donné 9.5, moi. J'ai trouvé quasiment parfait. Ben, t'as le droit. Oui, oui, je sais, mais j'ai beaucoup de goût aussi. Oui, je sais. Un jour, ça t'arrivera, là. Peut-être un jour. Oui, c'est loin. Je vais mettre trois pièces, les trois premières pièces de l'album qui sont toutes excellentes les unes des autres. Pratiquement, oui. Et pour faire ma salade grecque, finalement, rajouter un peu de piment dans le feta avec les olives noires, on va terminer avec Septic Flèche. Ah, ben oui. Qui vient également de la Grèce. Et pour couronner le tout, avec les feuilles de vigne farcies, ben c'est deux bandes de Season of Mist. Ah, ben regardons ça. Imagine-toi donc, c'est conceptuel, ma patente. Ça n'a pas de bon, ça. Alors, laissez faire la pizza. Ce soir, on mange de salade grecque extra feta. Alors, allons-y. Rotten Christ, album Catatone, Daimona, Eitoy. Voici Inhuman Xibalba. Go. We'll be right back. le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas! Ça l'est, bon. Parmesan pas! On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best Of de C'est Fou, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que chez l'homme, c'est le symbole de la virilité et tout ça, tu sais. Et de l'intelligence. Ouais. Faites comme moi et syntonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des Best Of de C'est Fou, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Cette année encore, les soirées cachées C'est Fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est Fou ou synthonisez le 89.1. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est Fou 89 ans. ...21h06, bientôt 7, peut-être même 8 plus tard. Peut-être un jour. Sait-on jamais. Et comment tu apprécies ma salade grecque extra feta? Ben, tu l'avais très bien apprêtée. C'est pas pire. Ah oui. Ça avait beaucoup d'épices. Je m'en suis délecté. C'était bon. Ah oui. L'huile d'olive fait tout la différence. Ça fait la différence. Septic Flesh avec Pire, c'est parce que la joke, la salade, parce qu'on a eu deux groupes grecs, là, pour ceux qui viennent de ça. Ah, on n'a pas rien mangé pour vrai, là? Ben oui. Ah, ben, il me semblait. OK. Septic Flesh, de la graisse. Pas de la graisse de routi, là. De la grosse graisse de gras de l'or. C'est ça. Pyramid God, tiré de l'album The Great Mass de 2011. C'est paru sur Season of Mist. Septic Flesh qu'on a eu l'occasion de voir au Trois-Rivières Metal Fest 2012, qui ont donné le spectacle du... Ce fut mémorable. C'était excellent. Oui. Et on a eu 3 pièces du nouvel album de Rotting Christ, également de la Grèce. Catatone, Daimona, Eitoi. On a entendu les pièces Grandis, Spiritus, Diabolus. Excellente pièce. Moi, selon moi, c'est la meilleure de l'album. Je suis d'accord, c'est la meilleure de l'album. C'est vraiment superbe. C'est l'ambiance qui se dégage. Les vocaux sont absolument... Je sais pas si tu as remarqué, l'album, tout au long de l'album, c'est juste des riffs très simples. Oui, il n'y a pas de complexité. Ouais, mais c'est de l'ambiance qu'il y a. Comment je pourrais dire? Le total de l'harmonisation donne un impact qui est assez fulgurant. Dans ta face, oui, puis c'est... C'est une musique qui te fait voir des images. Oh, hein? Oui, c'est ça. Oui. Tout juste avant, on a eu... C'est très difficile à prononcer. Oui, hein? Tout à fait, j'en conviens. Pioncha Kachun Tuta Kachun. S'il y aurait des Grecs ici, ils pourraient nous... Et la première, c'est Ennio... Ils pourraient rire de nous autres. Oui, ils pourraient rire. Parce que le mec chez Papa Georgios ici, ils doivent être crampés bien raides. Oh, je suis celui qui nous écoute. Inhuman, Exim Alba, première pièce de l'album. Alors, c'est à se procurer. C'est sorti aujourd'hui même sur Season of Mist. C'est vraiment un très bon album. Moi, je le réitère, je lui ai donné un 9.5 sur 10. Ben, 9, moi, c'est le point 5. C'est pas parce qu'il méritait pas, mais c'est ce que... On va dire, c'est parce que la prochaine... Parce que t'as pas trouvé le point puis le 5 sur le clavier. Parce que ça marchait plus. OK, c'est ça. Je voulais pas mettre un point 5 au cas où il y a un meilleur album. Puis je voulais pas qu'il détrône Voivode. Coudon, regarde, écoute. Là. Ah, ben là, Voivode, ça a donné quoi? 9.5. Ah, cool, il aurait pu être exéco. puis le détrônait pas. Non, je veux me forcer de voir de gang cette année. Ouais, c'est du parti pris. Oui. Ouais, mais faut que tu sois impartial dans ce temps-là. On sait jamais. Peut-être bien d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose de meilleur qui va sortir. Ah, mais c'est pas grave. Moi, en ce qui me concerne, si j'ai 8 albums qui ont un 10, je vais être juste content là, d'avoir découvert. Là, toutes les 8, ils pourront pas faire partie de la revue 2013. Pourquoi pas? Il va toujours, écoute. Toi, ton album, il est en bas de 8 sur 10 pourris. Je vais faire comme. Comment il s'appelle déjà? Spinal Tap. Je vais mettre. 11. C'est ça. Tu vois ce tapis-là, là? Ben, il grimpe jusqu'à 11. Mais tu sais que Marshall en a fait, hein? Ouais. Ben, honnêtement, y avait-tu vraiment une coche de plus? Je sais pas, j'ai jamais essayé. OK. Possiblement que t'étais rendu là, t'étais sourd, là, finalement. Il y a des chances que tu sois pas sincère d'esprit, là, mais bon. Faut driver un Marshall à plus que 10, là. OK. Ben, j'ai quoi? Écoute, ça, Sasquatch le faisait à l'époque, lui, hein? Là, dans le tapis? Oui, c'était épouvantable. Je me rappelle à l'époque, on avait été les voir pratiquer à Montréal, puis le local de pratique, c'était un garde-robe, c'était un walking, fait-tu le long? Ça squash dans Gresham. Oui, c'est ça. C'était, écoute, c'était un local qui devait avoir, je pense, peut-être un 10 pieds de profond par peut-être 12 de large. OK, c'est un garde-robe. Oui, c'est ça, comme je te dis, c'était un garde-robe. Tu ouvrais la porte, puis il fallait pas que tu l'ouvres trop fort parce que tu venais d'assommer sa squash, là. Ah, c'est bon. Écoute, les gars jouaient de façon outrageusement fort. Puis Denis, lui, sa squash était, regarde, il y a un piton, il visait jusque-là, mais on va le virer jusque-là. Lui, dans sa tête, s'il va jusqu'à 10, ben c'est parce qu'on peut le mettre jusqu'à 10. C'est ça. C'est vraiment. C'est souffrant pour les tympans. Bon, c'est ça qui est ça. Côté spectacle dans la région immédiate, eh bien, le vendredi 15 mars, Trois-Rivières Metal présente au D'Artagnan, ici au centre-ville de Trois-Rivières, Mon oncle Serge et les sportifs. Là, j'ai aucune idée du concept qu'il y a cette fois-ci, là. Aucune idée. Je peux pas vous dire, je le sais pas du tout. D'ailleurs, cet été, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui, Mon oncle Serge, puis. C'est quand même un gars très sympathique. Oh, c'est un drôle de personnage. Oui, oui, puis il est très sympathique. Donc, c'est comme je l'ai dit, vendredi 15 mars, au D'Artagnan, les portes ouvrent à 21h, le spectacle à 22h, c'est pour 18 ans et plus, il en coûtera 15$. Les billets sont en vente à Lepus Rock, au D'Artagnan, et Metal Punk. Grind Your Mind présente vendredi 22 mars, au Rock Café Stage, une formation NRR. Un gros derrière, hein, ouais. un gros derrière. Energy, c'est en Norvégien. Hamburger. Motard de Reliche. Energy de Norvège, Panzerfaust de Toronto, Trollings de Trois-Rivières et Hordox de Trois-Rivières. Les détails sont à venir. Je ne peux vous en dire plus, malheureusement. Présentement, Trois-Rivières Metal présente le jeudi 21 mars au Rock Café Le Stage. Strong Intention, formation américaine. Untimely Demise de Saskatoon et Return Nation de Trois-Rivières. Comme je l'ai dit, c'est le 21 mars sur le Café Le Stage. Les portes ouvrent à 19h. Le spectacle est à 20h. C'est pour tous au coût de 10$. Trois-Rivières Metal présente Ordox, lancement de l'album The Hill, j'imagine. Cryptic Howling de Rouen Aranda et Soil of Ignorance de Trois-Rivières au Café Le Stage le samedi 30 mars prochain. L'ouverture des portes est à 19h. Le spectacle est à 20h. C'est pour tous au coût de 10$. Extreme Prods présente 101 Proof, Montreal's Pantera Tribute, en compagnie de Self Collapse, Satanic Glue Sniffers et Undead Process. C'est au Rock Café Le Stage, vendredi le 12 avril prochain. Spectacle est à 20h, c'est pour tous au coût de 10$. Et Trois-Rivières Metal présente Arcona, formation que Sinistro aime beaucoup. Oh, okay, que oui. Formation russe, en compagnie de Val Freya de Montréal et un groupe invité au Rock Café Le Stage le dimanche 28 avril. Les portes ouvrent à 19h, le spectacle est à 20h, c'est pour tous au coût de 15$. Je garderai les restes des spectacles de BCI pour tout à l'heure, après cette pause musicale. Publicitaire musicale. Publicitaire, c'est ça. Bon, j'ai eu une demande, je m'en suis rappelé seulement il y a un an, il y a 3 ans, Tower, mais non, c'est pas vrai. Ben, quoi, c'est quand même dans les temps, des bons délais, c'est ça. Ben, c'est normal. 3 ans, c'est quand même pas si pire. Ben, c'est ce que c'est moins pire que l'urgence, quand même. Je prépare à croire que oui. Ah, parce que l'urgence, on peut faire des demandes spéciales. Genre, excusez, garde, je suis en train de mourir. Excusez, vous avez une échelle de 1 à 5. J'ai-tu le droit d'avoir 1? Non. Même s'il me plante un couteau dans le cœur, je ne peux pas avoir 1 non plus. La réponse est bon. On n'aura plus besoin de s'occuper de vous plus tard. Ah, OK. Non, blague à part, il y a 2 semaines, le Hellborg Tower nous faisait conjointement des demandes spéciales, ce à quoi Sinistros n'a pas acquiescé parce qu'il s'en fout carrément. Évidemment. Eh oui, non, Tower, je m'en fous. Mais moi, par contre, je lui ai dit que sa demande spéciale étant du Meshuga, ben, avec grand plaisir, je vais le faire, mon cher ami. Mais je vais essayer de trouver l'album en question. De Nasty Savage. Oui. D'accord. Donc, si Tower nous écoute en rediffusion, eh bien... Je vais tâcher de faire mes devoirs et pour Tower, je vais tenter de trouver cette pièce. Voilà. Donc, la demande était du Meshuga, comme je le disais, et j'ai décidé de faire un micro spécial Meshuga de 3 pièces, incluant dans quelques secondes la nouvelle pièce du EP Pitch Black. C'est un album qui était distribué de façon très, très peu monnaie, très peu pécuniaire. Hein. C'est un album qui pouvait être acquis gratuitement. Ben, ça a l'air d'être quelque chose qui est comme, entre guillemets, à la mode depuis quelques mois. Il y a un genre de label qui s'appelle Sion Audiovisual. Effectivement. Sion, c'est les mêmes qui font les véhicules Sion, ouais. Donc ça appartient à Toyota. Eux autres, ils prennent des bands comme ça, puis on sort un mini-album. Revocation l'a fait. Pas Orange Goblin, mais Corrosion of Conformity qui l'ont fait aussi à la fin de décembre. Puis là, c'est Meshuga qui font quelque chose. Ça, c'est des albums, c'est des mini-albums qui sont offerts totalement gratuitement. Oui. Et en bonne qualité aussi. Oui, très bonne qualité. Oui, en très bonne qualité. Donc, Pitch Black, c'est la pièce-titre de ce EP qui comporte 2 pièces, dont une autre de Scarlet Dancers, qui est une version live, qui apparaît évidemment, qui est déjà apparue. Mais Pitch Black, c'est une... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est effectivement, comme tu l'as dit, sur Sion Audiovisual. Je vais compléter avec God of Rapture, qu'on le retrouve sur le EP None, également un autre EP, et la pièce Perpetual Black Second, qu'on le retrouve sur le très bon album Nothing, mais la première parution de 2002, parce qu'il a été refait en 2007, je crois, ou 2006. Donc, micro spécial Meshuga, c'est dédié à Tower the Hellborg. Go! Sign. Le concours Les Mardis de la Relève du Gambrinus en est à sa 16e édition et c'est maintenant le temps de vous inscrire. Plus de 10 000 $ en prix seront remis aux groupes participants. Inscris ton band dès maintenant en remplissant un formulaire d'inscription disponible au Gambrinus ainsi qu'à la station C'est Fou. Fais ça vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, une présentation des productions Joshua et C'est Fou 89.1. Électrotactile, le jeudi, 21h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est Fou 89.1. ...21h34, et c'est le chaos! Ben sinon, c'est Sinistros qui est chaos. Ouais, si on peut dire. Ben, je sais que t'es pas un grand amateur de Meshuga, donc avec trois pièces en fil, t'as dû trouver ça pénible. Bon, c'est pas si bien que ça, ça passe quand même assez bien. D'accord. C'est... On vient effectivement d'entendre trois pièces tirées de trois albums différents de Meshuga, dont deux hippies. À l'instant, nous avions... Meshuga? Hein? T'avais-tu deviné? Non. OK. La pièce Perpetual Black Second, que l'on retrouve sur le très bon album Nothing, première version, qui est paru en 2002 sur Nuclear Blast. Juste auparavant, nous avions Gods of Rapture, que l'on retrouve sur le EP None, qui est paru en 1997 sur Nuclear Blast également. Et la première pièce de ce micro-bloc spécial Meshuga était la pièce Pitch Black, tirée du tout dernier EP Pitch Black, récemment paru sur Sion Audio Visual. C'est une pièce, c'est très Meshuga, mais en même temps, c'est encore un petit peu plus expérimental que ce que Meshuga fait à l'habitude. Donc, moi, j'ai bien aimé. Je sais que t'es pas, comme je le disais, je me répète, t'es pas un amateur invétéré de Meshuga, parce que cette musique-là, pour toi, il faut que tu l'écoutes avec un computer, là, mais bon. Ouais, en tout cas. Moi, j'ai vraiment un fans fini de cette formation suédoise, et je dois dire que ce qu'ils amènent avec Pitch Black, c'est probablement pas précurseur du prochain matériel, mais c'est très agréable. Spectacle à venir côté Brave Concert International, dimanche le 17 mars, au Café Campus, Soilwork. Putain, on était à la foule un peu. Soilwork, Jeff Loomis, Blackguard, Bonded by Blood et Hatchet, c'était 18h10 au Café Campus, 20$ et 25$ taxes incluses. Udo en compagnie de Al Chan Wei et Potion 13 le vendredi 12 avril au Fofones Électriques au coût de 25$ et 30$ taxes incluses via Mission, Pagan Fest, America Part 4, Insferum, Thor, Idolvolk, Troll Feast et El Sot le 18 avril à 19h, c'est un jeudi au Métropolis, c'est pour tous au coût de 30$ et 43$. Et 34,78 plus taxes via Ticketmaster. Catatonia est groupe invité le jeudi 25 avril prochain à 20h au Café Campus. 20$ et 25$ taxes incluses pour y assister. Via admission, Suffocation, Exhumed, Jungle Rot, Rings of Saturn, Adimiran, samedi le 27 avril, 19h au Club Soda. 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes pour y assister. C'est pour tous. Club Soda Box Office. Hypocrisy, Crazium, Aborted, Arsis et Starkill, vendredi le 3 mai, 18h, au Fofones Électriques, au coût de 22,50 et 27,50, taxes incluses. C'est via admission. Et le Decibel Magazine Tour 2013, mettant en vedette Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation et Beyond Creation. C'est samedi le 1er juin prochain à 19h au Club Soda, au coût de 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous via la billetterie du Club Soda. Il est 21h37 et nous allons arriver à peu près pile pour que tu puisses clore cette édition de réanimation. Et je vais clore cette édition de réanimation avec un petit bloc de métal noirci. Bon, me semblait. Ben oui, mais c'est pas du gros black tempo qui fait gna gna gna. OK, OK. C'est du bon black bien fait. Ça existe ça, du bon black? Ben oui. OK. Il y a du pourri dans tout aussi. Ouais, c'est vrai. On va avoir un deux petites pièces avec notre cher copain Habat. Oui. Avec son groupe solo qui s'appelle I. Puis on va avoir Immortal, bien sûr. On aura du Impulse, Nazarene, Aura Noire et Goat Or. Fait qu'on va faire on va se promener un petit peu à travers le monde. On commence tout de suite avec une version plus heavy metal de Immortal. Voici I avec Battalions. Go! Et c'est pas mal ça, hein? Il reste-tu une toune? Il en reste une dernière, mon cher. Ça semble abus. Ben oui. Il y en a entendu au rat noir avec la pièce Abaddon. Abaddon tout de suite. Ah non, non, non, non, non. OK, c'est paru de l'album Out to Die de 2012 sur Indie Recordings. Nous avons eu Impaled Nazarene avec Cult of the Goat, tiré de Road to the... Ben, le dernier album, dernière parution de Impaled Nazarene, finalement. Ouais. Road to the Octagon, apparu en 2010 sur Osmose Productions. On a eu Immortal avec Hordes to War sur la dernière parution, All Shall Fall de 2009, paru sur Nuclear Blast. Et l'autre groupe de Abbat Eye avec Battalions, l'album Between Two Worlds, paru en 2006 sur Nuclear Blast. C'est le seul et unique album de la formation. Ah, il n'a jamais récidivé. Bah, il n'a peut-être pas le temps. Ouais, ça se pourrait. C'est sûr qu'un Immortal doit être aveugle de nous en pondre un autre. Bah, ça existe toujours, ça. Oh, oui. Ouais. 21h55, bientôt 56, et effectivement, c'est le dernier segment. Dernier sprint. Ouais, de l'émission. Réanimation, on se retrouve la semaine prochaine avec on ne sait pas quoi encore. Bon, possiblement des présentations d'albums, parce que ça commence à débourrer. Il y en a quelques-uns, effectivement. C'est le fun, c'est le fun. Bon, et puis moi, je reviendrai avec mes chroniques que je n'ai pas pu faire cette semaine. Bref, on se quitte avec une dernière pièce de Gold Horde. Oui, on va se quitter avec Death to the Architects of Heaven, tiré de Blood for the Master, paru en 2012 sur Metal Blade. Et jusque-là, d'ici là, jusqu'à la semaine prochaine, allez tous vous faire foutre. Ciao.